بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui inshallah ta'ala le 7e sous-chapitre, toujours dans la lecture du chapitre de la fermeté sur le Coran et la Sunna tiré du Sahih de l'imam al-Bukhari rahimahullah. Ici l'auteur qui nous dit rahimahullah, babu ma yuzkaru min zammi ar-ra'yi wa takallufi al-qiyas. Et donc le sous-chapitre concernant le caractère blâmable de l'opinion et de l'exagération dans l'analogie. Ainsi que la parole d'Allah, wala takfu, donc l'auteur qui explique cela en disant la takul. Et donc wala takfu et donc ne dis pas ce dont tu n'as aucune science. Ne dis pas ce dont tu n'as aucune science. Et donc ici, barakallahu fikum, ce qui est voulu par l'opinion, le Cheikh Ubayd al-Jabiri rahimahullah, il dit huwa ma lam yadulla alayhi dalilun min al-kitab wa la sunnah wa yuqsad ilayhi li mu'aradati an-nusus. Et donc, l'opinion, c'est ce sur quoi il n'y a aucune preuve venant du Coran et de la Sunna, ce qui est voulu par l'opinion ici. C'est ce sur quoi il n'y a aucune preuve dans le Coran ou la Sunna, et qui va être utilisé pour s'opposer au texte. Et donc, des gens vont utiliser l'opinion pour s'opposer au texte et pour rejeter les textes. Ils vont se baser sur leur opinion ou l'opinion d'un tel pour rejeter un texte du Coran et de la Sunna. Et cela, bien entendu, est blâmable. En ce qui concerne le qiyas, ce qui est voulu ici par le qiyas, c'est le qiyas, l'analogie, donc c'est l'analogie qui n'est pas valable. L'analogie qui n'est pas prise en compte. Qui va être utilisée, encore une fois, pour faire opposition à la Sunna. Et donc, ici, barakallahu fikoum, ces deux actes sont blâmables. Le fait d'utiliser l'opinion ou l'analogie, de faire une comparaison pour rejeter un texte. Tout simplement parce que le croyant, il doit rester ferme sur le Coran et la Sunna. Il ne doit pas rejeter le Coran ou la Sunna. Et ne doit pas utiliser une opinion ou autre pour rejeter la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala ou la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Barawi rahimahullah, il nous dit donc dans Sunnah que Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu dit ayyu ardin tuqilluni wa ayyu sama'in tuzilluni in kultu fil Qur'ani bi ra'yi. Quelle terre va me supporter et quel ciel va me couvrir si je parle du Coran en me basant sur mon opinion? Subhanallah. Comme cela est grave, le fait de se baser sur son opinion, quand tu parles du livre d'Allah, des versets d'Allah, tabaraka wa ta'ala, certains qui vont expliquer les paroles d'Allah en se basant sur leur opinion. Des personnes qui se permettent de faire leur interprétation du Coran. Et donc il est important, aux chers frères et sœurs, de comprendre ce principe fondamental. Le fait que le croyant se soumet à la parole d'Allah et de son messager. Et le croyant ne cherche pas à faire opposition au Coran et à la Sunna. Il ne va pas utiliser son opinion ou l'opinion de quelqu'un d'autre. Il ne va pas non plus interpréter ou parler du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala en se basant sur son opinion. Et d'ailleurs, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il dit, comme on peut le voir dans Al-Iban al-Kubra, « Iyakum wa ashabur ra'yi. » Méfiez-vous des gens qui se basent sur l'opinion. Ashabur ra'yi, ce sont des gens qui se basent sur l'opinion. « Fa innahum a'da'us sunan. » car ce sont les ennemis des sunnans, les sunnans du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها. Les ahadiths, les récits prophétiques sont trop durs pour eux, ils n'arrivent pas à les mémoriser. فَقَالُوا بِالرَّأْيِ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. Ils ont donc parlé en se basant sur l'opinion. Puisqu'ils n'arrivent pas à mémoriser les ahadiths, ils se basent donc sur l'opinion. Je pense que. Ils se sont égarés et ont égaré. Là, on a deux paroles très importantes de Abu Bakr as-Siddiq et de Omar, les deux meilleurs de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que désirons-nous? Comment pouvons-nous, après avoir entendu ces paroles, comment pouvons-nous chercher à nous baser sur des opinions? Je pense que pour moi, les gens, surtout les gens qui nous disent pour moi. Ali ibn Abi Talib ibn radiyallahu anhu, qui a été rapporté de lui, qu'ils disent: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أدنى الخفين أولى من أعلاهما. Si la religion se basait sur l'opinion, il aurait été préférable de faire le mesh, le fait d'effleurer les chaussons ou les choufs lors des ablutions. Il aurait été préférable de le faire sur le bas des chaussons au lieu de le faire sur le haut, parce que c'est le bas qui est en contact avec le sol et qui a besoin d'être nettoyé. Mais dans notre religion, nous ne nous basons pas sur l'opinion. Nous nous basons sur les textes. Et donc les textes nous montrent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait sur le haut du pied. Nous le faisons sur le haut du pied. Et donc de la même manière que tu as respecté cela pour les ablutions, respecte-le aussi pour autre que les ablutions. Et donc ça, c'est très très important de le comprendre. Barakallahu fikum. Et aussi, d'ailleurs, cela, ce verset, wala takfu ma laysa laka bihi ilm, et ne dis pas ce dont tu n'as aucune science, nous devons appliquer cela dans toute notre vie. Rappelons-nous la parole d'Allah le Très-Haut: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dis: certes, mon Seigneur, ce que mon Seigneur a interdit sont les turpitudes, celles qui sont apparentes et cachées, le péché et la transgression sans droit, ou le fait que vous accordiez à Allah des associés sans qu'il n'en fasse descendre aucune preuve, et le fait que vous disiez d'Allah ce dont vous n'avez aucune science. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala a interdit le fait de parler de lui sans science. Cela est une interdiction formelle. Tu ne peux donc pas te baser sur ton opinion. Ensuite, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, qui nous cite le premier hadith, un hadith donc qui monte jusqu'à Abdullah ibn Amr, qui dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dire: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. Il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: Certes, Allah ne fait pas disparaître la science après qu'il voulait donner en l'enlevant. C'est-à-dire en l'enlevant subitement. Cependant, Allah fait disparaître la science par la mort des savants qui meurent avec leur science. Il restera alors des gens ignorants qui seront interrogés. On leur demandera des avis juridiques, Yustaftaun. Ils vont donc répondre, émettre des fatawas, des avis juridiques en se basant sur leur opinion. Ils sont ignorants, ils n'ont pas de science. Ils se basent donc sur leur opinion. Ils vont donc égarer les gens et s'égarer. Il y a dans ce hadith, barakallahu fikoum, un des signes de la prophétie, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé ce qui arrivera à la communauté. La propagation de l'ignorance et des gens qui émettront des fatwas, des avis juridiques en se basant sur leur opinion par ignorance et qui vont égarer les gens par les fatwas, on le voit clairement. On le voit clairement aujourd'hui. Il y a dans ce hadith, barakallahu fikoum, que la présence des gens de science, ceux qui sont fermement enracinés dans la science, est une protection pour la communauté musulmane. Une protection face au danger de l'égarement, de la déviance. Et la mort des savants est une cause de l'augmentation des égarements, des déviances, des innovations, de l'ignorance et de la passion. Et donc on comprend ici encore un autre point, le fait que nous devons nous accrocher aux gens de science. Le fait de rester auprès d'eux, le fait de rester en contact avec eux, afin de profiter d'eux et de leur science. Ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui dit « La yazalu an-nas salihin mutamasikin ma'atahum al-ilm min ashab Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa min akabirihim fa idha atahum min asagirihim halaku wal asagir hum ahlu al-jahl wal hawa qala kama qalahu al-Sheikh Ubayd rahimahullah ta'ala. » Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit: La yazel ou nas, les gens ne cesseront d'être pieux, accrochés à la sunna, accrochés à la vérité, tant que la science viendra à eux par les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que par leurs grands, des grands parmi eux. Mais si la science vient à eux par leurs petits, donc c'est leurs petits qui leur transmettent la science, alors là, ils tomberont dans la perdition. Et ce qui est voulu par leurs petits, c'est-à-dire ceux parmi eux qui sont ignorants, les gens d'ignorance et de la passion. Voilà les petits. Le Cheikh Roubaix, il a expliqué cette parole en nous disant que ce qui est voulu par les petits, ce sont les gens d'ignorance. D'ailleurs, une parole très connue d'Ibn Sirin, dans Rahimahullah, qui dit « Inna hadha l'ilma dinun, fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. » Certes, ce sujet est une religion. Cette science est une religion. Ce n'est pas n'importe quelle science. La religion, paradis ou enfer. Alors faites attention de qui vous prenez votre religion. Faites attention à savoir de qui vous prenez votre religion. Il y a aussi dans ce hadith le fait de mettre en garde contre les imams de l'égarement en tout lieu et à toute époque. Cela est important afin de préserver les gens, car les imams de l'égarement égare, comme on voit dans le hadith. Fayadilluna wa yudillun. Et donc, il s'égare et égare les gens. Et donc, nous ne devons pas rester silencieux. Mais nous devons prévenir nos frères afin qu'ils ne s'égarent pas avec ces imams-là. L'imam Muslim, il cite dans son sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Sayakunu fi akhiri ummati أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم Fa'iyyakum wa iyyahum. Il viendra à la fin de ma communauté des gens qui vous parleront de ce que vous n'avez pas entendu, ni vous, ni vos parents. Des nouveautés, des innovations. Ils viendront vous parler de ces choses-là. Ils viendront vous présenter ces choses-là. Ils vont vous appeler à cela. Des déviances. Fa'iyyakum wa iyyahum. Alors méfiez-vous d'eux. Méfiez-vous d'eux. Ensuite, toujours, non, cette fois-ci dans Jami' al-Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Nama akhafu alaykum al-a'immat al-mudillin » Ce qui me fait peur vous concernant, ce sont les imams égareurs. Les imams égareurs. Et donc nous devons faire attention, barakallahu fikum, à ces déviances, à ces imams qui vont émettre des avis juridiques en se basant sur leur opinion, en se basant sur autre que le Coran et la Sunna. Nous devons donc rester fermes dans le suivi du Coran et de la Sunna et ne pas prendre notre science des imams égareurs. Ensuite, l'imam al-Bukhari rahimahullah qui nous cite un deuxième texte, une parole très importante de Sahl ibn Hunayf qui nous dit « Ya ayyuhannas, ittahimu ra'yakum ala dinikum » Ô gens, ô gens, délaissez, ce qui est voulu ici c'est délaisser votre opinion concernant votre religion. Délaissez votre opinion concernant votre religion. Concernant ta religion, ne te base pas sur ton opinion. Car ta religion, la religion que tu suis, l'islam, est une religion qui est déjà complète. Elle est déjà complétée. Il n'y a pas besoin que toi, tu viennes rajouter ton opinion dedans. Il y a déjà des textes sur tous les sujets qui concernent l'islam. On n'a pas besoin que tu viennes avec ton opinion. Et donc ici, barakallahu fikoum, vous avez déjà peut-être souvent entendu des gens, moi je pense que. Ya ikhwa, faites très attention. Faites très attention à cela. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous la réussite, il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khayran.